السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث السابع لسيتيام حديث دبخي أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est la sincérité ou le bon conseil. Nous lui avons demandé: envers qui? Il répondit: envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et le commun d'entre eux, c'est-à-dire le commun des musulmans. Hadith rapporté par Muslim. Le hadith que nous avons entre les mains est un hadith immense, faisant aussi partie des ahadiths qui sont une règle dans la religion, comme les ahadiths qui ont précédé. À ce sujet, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite, d'après Abi Daoud, qui a dit: ce hadith est un des ahadiths autour duquel tourne la jurisprudence, al-fiqh. Et il nous cite, d'après al-Hafidh Abu Nu'aym, qui a dit: ce hadith a une grande importance. Muhammad ibn Aslam al-Tusi a cité qu'il est un quart de la religion. Puis, quant au propos du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, qui nous dit: la religion, c'est la sincérité ou le bon conseil. Il a été rapporté dans une variante du hadith qu'il a sallallahu alayhi wa sallam répété cela trois fois: ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Puis, quant au mot utilisé par le messager sallallahu alayhi wa sallam, an-nasiha, qui a été traduit en français par la sincérité ou le bon conseil, le noble savant, le cheikh Salih ibn Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit à son sujet: le sens du mot an-nasiha est en arabe al-khulous, c'est-à-dire la pureté. Puis il nous dit, rahimahullah, on dit une chose qui est nasih, c'est-à-dire pure et préservée de toute tromperie. On dit d'un miel qu'il est nasih ou d'un lait qu'il est nasih, c'est-à-dire pur et préservé de toute tromperie ou mauvais mélange. Donc nous comprenons à travers cela le sens du mot an-nasiha, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant toute la religion, qui tourne autour de la pureté et le délaissement de toute forme de tromperie ou autre. Puis le noble cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah continue ses propos en nous disant: et c'est ainsi que l'islam, et c'est ainsi qu'est l'islam, pur et préservé de tout faux, préservé de toute tricherie, ruse, tromperie et trahison. Il est une religion pure et nette, et de même pour le véritable musulman. Ce qui est apparent de lui, ainsi que ce qui se trouve dans son intérieur, reposent tous deux sur la nasiha et la pureté. La pureté de toute mauvaise mœur, la pureté de la trahison, de la traîtrise et autres. Et quant à celui qui trompe ou triche ou ruse ou à un aspect apparent qui est différent de ce que renferme son intérieur, alors ces caractéristiques ne font aucunement partie de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith, a restreint la religion au bon conseil, à la nasiha. Et le fait de restreindre une chose implique que rien d'autre n'entre dans celle-ci. Intara kalamuhu rahimahullah. Et Abu Omar ibn Salah, rahimahullah, a cité en définition de la nasiha par ses propos. La nasiha est un mot qui englobe plusieurs sens et qui implique que l'auteur de la nasiha veuille toute forme de bien pour celui vers qui il dirige cette nasiha, cela de par la volonté et les actes. Donc, nous comprenons de ces propos plusieurs points venant expliquer la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam concernant la nasiha, ad-dinu nasiha, la religion est la sincérité ou la religion est le bon conseil. Parmi cela, l'obligation pour le musulman d'être véridique et que ce qu'il laisse apparaître de lui soit en accord avec ce qu'il renferme dans son intérieur. Et le délaissement de toute ruse, tromperie, tricherie ou autre vil caractère. Et cette nasiha, cette pureté et cette sincérité doit se faire, comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et le commun d'entre eux, le commun des musulmans. Quant à la nasiha envers Allah, premièrement, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit, dans son célèbre livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, les propos de Abu Omar Ibn Salah quant à la nasiha envers Allah. Il nous dit, quant à la nasiha envers Allah, elle consiste à l'unifier, c'est-à-dire accomplir son monothéisme pur, le qualifier par les attributs de la perfection et la majesté, l'exempter de ce qui va à l'inverse et contredit cela, s'éloigner de sa désobéissance, lui obéir et accomplir ce qu'il aime avec sincérité, le fait d'aimer pour lui, de détester pour lui, donc d'aimer en Allah et de détester en Allah, de combattre quiconque mécroit en lui et ce qui ressemble à cela, ainsi que d'appeler et d'inciter autrui à tout cela. Donc d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le qualifier par les attributs de la perfection, de l'exempter de ce qui va à l'inverse de cela, de lui obéir subhanahu wa ta'ala avec sincérité, de s'éloigner de ce qu'il déteste subhanahu wa ta'ala, et d'aimer en Allah, de détester en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui va dans le sens de ses propos. Puis il nous dit, rahimahullah, et quant à la nasiha envers son livre, qui est le Coran, il est le fait de croire en lui, de l'immensifier, de l'exempter de toute imperfection, de le lire d'une véritable lecture, c'est-à-dire en préservant, en plus de la lecture, le sens qu'il contient et de vrai avec celui-ci. Puis il nous dit d'accomplir ses ordres et interdits, donc les ordres du Coran et les interdits, de chercher à comprendre ses sciences et ses paraboles, ses exemples cités, de méditer ses versets, d'appeler autrui à cela, de le défendre contre les fausses interprétations que lui donnent ceux qui transgressent les limites, el-Ghalin, et contre les attaques faites par les mulhidines, qui sont les mécréants qui se disant athées. Puis il nous dit, rahimahullah, puis quant à la nasiha envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est le fait de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam, et en tout ce avec quoi il est venu, de l'honorer, le respecter, le révérer, de se cramponner à son obéissance, de faire revivre sa sunna, de répandre et propager les sciences avec lesquelles il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, d'adopter ses comportements, de l'imiter et suivre ses morales et politesses, ainsi que d'aimer sa famille et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ressemblent à cela. Peut nous dire, rahimahullah, et quant à la nasiha envers les dirigeants des musulmans, elle est de les aider sur le vrai, de leur obéir dans cela, de leur rappeler cela, c'est-à-dire la vérité et le vrai, de les avertir avec douceur et bonté, de s'écarter des attaques envers eux, de leur faire des invocations afin qu'Allah leur accorde la réussite et d'inciter à cela. Et l'imam Ibn Rajab rahimahullah cite lui-même en plus de cela concernant la nasiha envers les dirigeants des musulmans. Il nous dit, rahimahullah, le fait d'aimer pour eux la piété, la droiture, la justice, d'aimer que la communauté soit réunie autour d'eux, de détester la division de la communauté d'autour d'eux, de considérer comme faisant partie de la religion le fait de leur obéir dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, de détester quiconque sort contre eux, c'est-à-dire les combats ou veut les destituer par les armes ou même par les propos, et de les soutenir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de la parole d'Ibn Rajab rahimahullah. Puis Ibn Salah rahimahullah nous dit, quant à la nasiha envers le commun des musulmans, il nous dit, elle est le fait de leur indiquer et de les guider vers leurs intérêts et leurs profits, de leur renseigner les affaires de leur religion ainsi que de leur vie mondaine, de cacher leurs défauts, de combler leurs manquements, de les secourir face à leurs ennemis, de les défendre, de s'écarter de toute tromperie ou jalousie envers eux, et d'aimer pour eux ce que l'on aime pour notre propre personne, et de détester pour eux ce que l'on déteste pour notre propre personne, et ce qui ressemble à cela. Intaha kalamuhu rahimahullah. Fin de citation de la parole d'Ibn Salah rahimahullah. Puis, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite certains points faisant aussi partie de la nasiha envers le commun des musulmans. Il nous dit rahimahullah. Et parmi ce qui fait partie du bon conseil envers eux, envers le commun des musulmans, par le fait de repousser d'eux la nuisance et le détestable, le fait de préférer et d'être bienfaisant envers les pauvres parmi eux, d'enseigner les ignorants parmi eux, de rappeler ceux qui ont dévié parmi eux à la vérité dans les paroles et les actes, avec douceur dans cela. D'être doux avec eux lorsqu'on leur ordonne le convenable et interdit le blâmable, d'aimer que la perversion et la corruption soient éloignées d'eux, même si cela engendre une nuisance à notre égard sur un point de vue mondain. Comme il a été rapporté de certains parmi les salafs, cette parole, j'aurais aimé que toutes les créatures obéissent à Allah au prix que ma peau soit découpée à ciseaux. Et parmi ce qui a été rapporté à ce sujet, c'est-à-dire à l'importance de la nasiha, la sincérité et le bon conseil, ce qu'a cité l'imam Ibn Rajab d'après Al-Hassan, qui a dit, tu n'atteindrais pas la véritable nasiha, donc le véritable bon conseil et la sincérité envers ton frère, jusqu'à ce que tu lui ordonnes ce dont tu es incapable d'accomplir. Et Al-Hassan a dit, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, et si vous le voulez, je vous jure par Allah, certes, les serviteurs d'Allah les plus aimés auprès de lui sont ceux qui font aimer Allah à ses serviteurs et qui font aimer les serviteurs d'Allah à Allah. C'est-à-dire qui sont une cause pour que les serviteurs aiment Allah et que lui aussi, subhanahu wa ta'ala, les aime. Et Ibn Ulayya a dit, en explication de la parole de Abu Bakr al-Muzani, rahimahullah, qui a dit, Abu Bakr, radiallahu anhu, n'a pas surpassé les compagnons du messager par le jeûne ni par la prière, mais par une chose se trouvant dans son cœur. Et donc Ibn Ulayya a dit, en explication de cela, cette chose se trouvant dans son cœur est l'amour d'Allah et le bon conseil envers ses créatures. An-nasiha li khalqi. Et Al-Fudayl Ibn Iyad rahimahullah a dit, n'a atteint celui qui a atteint parmi nous, non pas par le grand nombre de prières et de jeûnes, mais certes, il n'a atteint auprès de nous que par la générosité des âmes, la pureté des poitrines et le bon conseil envers la communauté. Et Ibn al-Mubarak, rahimahullah, fut questionné, quelle est la meilleure des œuvres? Il répondit, rahimahullah, an-nushu lillah, la sincérité et tout ce qui englobe le mot, an-nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous tirons de ce hadith l'importance et l'obligation quant au fait que le musulman soit sincère, soit véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, cela par son apprentissage, la méditation de ses sens, le fait d'œuvrer avec celui-ci, de le défendre, de le prendre pour guide, envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants des musulmans et envers le commun des musulmans. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, de nous compter parmi ses serviteurs véridiques, bons conseillers, sincères envers lui subhanahu wa ta'ala, qui auront les mérites d'avoir complété une partie de leur religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.